Audiomatique. Les électronistes ont laissé le soin au projet Tota Keke d'amorcer cette séquence 171 d'Audiomatique avec sa composition Memoria, qui a été ici remixée par le duo slovaque Disharmony. Cette version est tirée de l'album double The Things That Disappear When I Close My Eyes, paru en 2009. Tota Keke est l'incarnation musicale de Frank Mocross, qui œuvre également en tant que synth-éthique, qui emprunte davantage le genre Rick, le genre, oui, Rhythmic Noise, et en tant qu'ative, ATIV, qui exploite des sonorités plus technoïdes. Les électronistes croient aux vertus de la musique électronique pour nourrir l'esprit d'une substance auditive synthétique, puisque la musique activerait la production de dopamine dans le cerveau et générerait de ce fait ce qu'on pourrait appeler le plaisir musical. Ainsi, chaque semaine, les électronistes espèrent augmenter votre plaisir musical en vous faisant découvrir leurs choix musicaux. Voici le projet Conjure One et la pièce Beyond Being. Thank you. fit love life that I may wander at this world until I die. Lord, I take care of every little step, so I will couple every good I get. Thank you. sands. Damned it rose, may God infill the holy water. We come into full flower. Cette séquence de trois pièces se terminait sur la musique de la formation Laika, de qui nous écoutions la pièce Girl Without Hands, tirée de leur dernier album Wherever I Am What Is Missing, paru en 2003. Avant Laika, c'était le projet Pax et la pièce Tempted Rose qu'on retrouve sur l'album High Speed Digital Spirit Processing, paru en 1998. Rappelons que Pax est le projet des artistes André Schmechta et Eiko Daniel, respectivement membres des formations X-Marks de Pedwalk et Echo. Et avant Pax, c'était Conjure One, le projet du Canadien Rhys Fulber, aussi connu pour sa contribution au groupe Frontline Assembly. Donc de Conjure One, nous écoutions la pièce Beyond Being qui paraît sur le deuxième album intitulé Extraordinary Ways, sorti en 2005. Il célébrera son 40e anniversaire cette année avec un méga spectacle le 7 juillet 2018 au Hyde Park de Londres, avec entre autres comme artistes invités Interpol, Goldfrapp, Editors, Ride, Slowdive et The Twilight Sad. Et nous avons nommé The Cure.

Nous terminions ce segment musical à Audiomatique avec l'artiste néerlandais Joachim Papp, qui est mieux connu comme Speedy J. De son album Shocking Hobby, paru en 2000, nous vous présentions la pièce Borax. Sur cet album, Speedy J a délaissé ses influences passées et a incorporé à sa musique des éléments beaucoup plus expérimentaux, corrosifs et IDM. Précédemment à Speedy J, il s'agissait du groupe allemand Diary of Dreams et la chanson House of Odds de leur album Elegies in Darkness. Et en amorce de séquence, le groupe britannique The Cure nous offrait la pièce Cold de leur album Pornography, lancé en 1982. Audiomatique se poursuit sur la musique de Suicide Commando. We'll be right back. Cette courte séquence de deux pièces se terminait sur la musique du projet Square Pusher, de qui nous entendions Significant Others, tiré de l'album Big Loada. Et avant, c'était Suicide Commando, la pièce Intercourse Reloaded 2, qui paraît sur l'album Stored Images, sorti en 1995. La fin peut souvent être imprévisible et soudaine. C'est pourquoi, à Audiomatic, nous préférons l'annoncer et l'identifier. Les dernières minutes de cette transmission 171 d'Audiomatic seront donc comblées par la musique du groupe canadien Nevermind, qui nous interprétera la pièce « Les Danese Girl » de son album « Dream Volume ». Nous vous invitons à visiter leur profil Bandcamp pour en découvrir davantage au nevermind.bandcamp.com, le nevermind.bandcamp.com. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre en direct la transmission 172 d'Audiomatic. Sachez également qu'il est toujours possible d'écouter les transmissions d'Audiomatic quand bon vous semble en accédant à nos archives à travers nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-cfou. Voici Nevermind avec la composition Les Danese Girl. C'était Audiomatic avec les électronistes. Thank you. Thank you.